بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بإذن الله تعالى ندخل في الحديث 85 كتوسكم حديث. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه وركعته فركعته فاعتدى له بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية يعني عند البخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. دونك ce صحابي qui est Al-Bara ibn Azib, dont le père également est sahabi, il dit que j'ai regardé la salat du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a analysé, il l'a bien regardé, et j'ai constaté que sa station debout, ainsi que son inclinaison, ainsi que le moment où il se tient debout encore après l'inclinaison, ainsi que sa prosternation, ainsi que l'assise, la posture assise après sa prosternation, ensuite sa prosternation d'après, et ensuite sa position, sa posture assise, avant au moment du taslim, du tashahhud, étaient à peu près égales. Elles étaient à peu près égales. C'est-à-dire, chaque partie de la salat du Nabi sallallahu alayhi wa sallam était à peu près dans le même temps. Lorsqu'il se tenait debout, lorsqu'il s'inclinait, lorsqu'il se relevait du recours, lorsqu'il se prosternait, lorsqu'il restait assis après la prosternation, lorsqu'il se prosternait. C'était des temps qui étaient proches. Sauf que certains étaient plus longs que d'autres. Bien évidemment, par exemple, la station debout, elle est plus longue. Et c'est sûr, car dedans, il lit le Fatiha, et après il lit une sourate du Coran, ou Rayl Zalika. Mais c'était approximatif. D'accord? C'était approximatif. Et là, bien évidemment, il fait allusion à la salat qui, elle, est surrogatoire, pas l'obligatoire. Car il a dit qu'il regardait la salat du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il la regardait de loin. C'est-à-dire qu'il regardait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faire sa salat. Donc il n'était pas derrière lui. Ce qui prouve que ce n'était pas une salat obligatoire à ce moment-là, de ce qui apparaît. طيب يقول فضيلة الشيخ ابن عثيمين الراوي البراء بن عازب ابن الحارث الأنصاري الأوسي. Donc le rapporteur c'est البراء بن عازب. شهد غزوة أحد وما بعدها ولم يحضر غزوة بدر لصغره. Et qu'il a participé à la bataille de Uhud et ainsi que celle d'après, mais n'a pas participé à celle de Badr car il était trop jeune, trop petit. نزل الكوفة ومات فيها سنة 72. Donc après il s'est rendu à Koufa, il y a résidé et il y est mort en l'an 72. يقول موضوع الحديث بيان نسبة المكث في القيام والجلوس والركوع والسجود بعضها إلى بعض في الصلاة. Que le hadith a pour thème de montrer le temps justement où l'on reste debout ou assis ou incliné ou prosterné les uns par rapport aux autres lors de la salat. يقول في الشرح الإجمالي يخبر البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه نظر إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نظر التأمل ليعرف كيف يصلي فيتبعه في ذلك. Donc là, البراء بن عازب il informe qu'il a analysé la salat du Nabi صلى الله عليه وسلم en l'analysant bien précisément afin de savoir comment est-ce que le Nabi صلى الله عليه وسلم faisait la salat afin de pouvoir la suivre. فوجد أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة متناسبة متقاربة في الركوع ورفع من السجود والجلوس بين السجدتين وكذلك جلوسه بين تسليمه وانصرافه قريب من ذلك. Donc après il a constaté justement que dans la salat que les différentes postures de la salat étaient de temps à peu près approximatif, c'est-à-dire avec l'inclinaison, lorsque l'on se relève de l'inclinaison, lorsque l'on se prosterne, lorsque l'on s'assoit entre les prosternations, et ainsi de suite, également l'assise qu'il y a au moment du taslim, tashahud, l'assise qu'il y a avant le taslim, avant. Avec le taslim, c'est pendant le tashahud, mais le taslim, il y en a un seul. Naam. Et que tout cela était à peu près d'un temps approximatif. أما القيام بالقراءة والقعود للتشاهد فيتميز عن ذلك لأن القراءة والتشاهد والدعاء فيه أطول مما يقال في الركوع والرفع من هو السجود والجلوس بين السجدتين. ومع ذلك فالظاهر أن طول القراءة وقصرها مناسب لطول الركوع والسجود والرفع منهما وقصرهن. Il dit, faisons exception en cela, à la posture debout, et ainsi que l'assise, la posture assise lors du tashahhud, qui se distingue des autres du fait que lorsqu'on est debout, on récite le Coran. Donc cela est un peu plus long. Et le tashahhud, on y fait les doigts. Donc cela est un peu plus long par rapport aux autres moments de la salat. Quoi qu'il en soit, comment dirais-je, que les autres parties de la salat qui suivent la posture assise, qui suivent la posture debout ou le tashahhud, d'accord, les autres qui les suivent sont assez proches. Ça veut dire, plus le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est long en étant debout avec la Fatiha et le Coran derrière, et plus son recours par la suite va être long, et son sujud va être long, ainsi de suite. Et plus c'est court, plus ce sera court. En fait, cela se base sur les relatifs par rapport au premier qiyam, et également par rapport au tashahhud. Hadha. Naam. Yaqulu fi fawaid al-hadith. أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على إحاطة بكيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليتبعوه فيها وينقلوها للأمة. Donc cela montre comment les Sahaba étaient donné beaucoup d'importance à comprendre ou à analyser comment faisait la salat, c'est-à-dire le Nabi صلى الله عليه وسلم comment il faisait la salat, afin de pouvoir le suivre et de pouvoir l'enseigner aux autres par la suite. Et c'est ça, Talab al-Ilm. Talab al-Ilm, c'est Raf al-Jal al-Nafsi, comme on a dit. Tu apprends pour pouvoir ôter l'ignorance qui est en toi et l'ôter des gens, que les gens puissent apprendre. Fa'aniyan, an al-mashru' taqarrub al-ruku' wal-qiyam ba'dahu wal-sujud wal-julus bayna sajdatayn fi at-tul wal-qasr. Et qu'il est légiféré justement d'avoir un temps approximatif dans l'inclinaison ainsi que la station debout après lui, c'est-à-dire après le ruku', lorsqu'on se lève, ainsi que le sujud, ainsi que la prosternation, ainsi que l'assise entre les deux prosternations, dans la longueur du temps. Il faut que cela soit à peu près équivalent. Et on a dit, exception faite pour la première station debout, et le tashahhud à la fin lorsqu'il y a le doha. Ceux-là sont plus longs. Thalithan, ma shuri'ati li julus al-imam bayna taslim wa al-insiraf, biqadr al-ruku' aw sujud. Qu'il est légiféré justement pour l'imam de s'asseoir lors du taslim, ce qui est entre le taslim et la fin de la salat, le même temps qu'il prendrait pour faire le ruku ainsi que le sujud. Approximativement. Non. Fa dhal ladhi dhakara al-mu'allifu min hadhihi al-fawaid wa fa bi hadhihi al-qadna naktafi wa alhamdulillah bil alamin.